Ça fait opus trou. 1, 2, chop, ça. Et vas-y, cours, avance, la route est longue, esquive tous ces cons. Rendez-vous à l'évidence, on est pas mal à toucher le fond. Cours, avance, la route est longue, esquive tous ces cons. Rendez-vous à l'évidence, on est pas mal à toucher le fond. Sais-tu garder un conséquent secret? Ouais, rien n'est plus fort que quand on s'aime en secret. Hélas, la mort se prélasse, les deux pieds dans la mélasse. En complément, je sais comment un son dément secret. Les couleurs s'effacent sur nos places et les fleurs de nos terrasses. Je ressens que le signe avant-coureur fait place à la douceur qui trépasse. La folie et cette peur qui nous dépasse, car la douleur nous terrasse. Il faut que je garde une grosse forme, car c'est la nuit qu'on brille comme le phosphore, le phare du Bosphore. Je bosse fort pour un solo sale quand vient l'angoisse d'un jeudi soir. Coup du sort, le colossal alcool au sort. Dans ce décor au bord de la rupture, non sans comme une mesure, je fais face aux impostures que les médias corroborent. En cas de blessure, je gratte mon sang comme une mesure. Pour ta culture, personne n'est blanc comme des corps aux morts. Et ça changera pas de sitôt, mes points de suture témoignent que t'as pas le niveau. Car tout s'arrête, aura des pâquerettes et tout s'achète en cachette. Les mille facettes des sales traites nous maltraitent jusqu'au fond des caniveaux. Et ça devait arriver, tôt ou tard je n'ai pas de rivaux. Je te vois saliver pour toutes ces braises sans foyer. Assis sur ma chaise, du noir à broyer, les flammes se taisent. Je crache ce texte pour les raviver. Parfois fermé comme un cachot, ça dépend de tout. Y'a que des bons départs, trop de questions, je n'y répondrai pas. Longue vie et bon trépas, si crier plus fort, on se débat chez les fachos. Je reste en dessous, tant de sous, caché dans des montages bancales, attaque frontale, j'engage sans émotion. Mes joues creusent, victime de l'érosion. À mon âge, j'enrage, car toutes mes connaissances ne sont que des notions. Vas-y, cours, avance, la route est longue, esquive tous ces cons. Rendez-vous à l'évidence, on est pas mal à toucher le fond. Cours, avance, la route est longue, esquive tous ces cons. Rendez-vous à l'évidence, on est pas mal à toucher le fond.